Vous écoutez Radio Conteur. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Il ne semblait ni égaré, ni mort de faim, ni mort de fatigue, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Mais qu'est-ce que tu fais là ? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, je sortis de ma poche une feuille de papier, un stylographe, et je dessinai. Il regarda attentivement. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Je dessinai un autre mouton. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. J'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur. Je griffonnai une caisse avec 3 trous d'aération et lançai « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment ? Tu es tombé du ciel ? Oui. Ah, ça c'est drôle. Alors toi aussi tu viens du ciel ? De quelle planète es-tu ? Tu viens donc d'une autre planète ? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Hein ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! Si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où. Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où, droit devant lui. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu, au hasard des réflexions, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi ? Attendre que le soleil se couche. Je me crois toujours chez moi. En effet. Quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Le cinquième jour, j'étais très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Un mouton, ça mange les arbustes? Oui. Et les fleurs? Et un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Ah? Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses? Oui. Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un grand monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçais, je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre, où le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Elle avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Le petit prince sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, Justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle. N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. Oui. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines... Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Mais il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe? Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Et puis le soir, mettez-moi sous globe. Il fait très froid chez vous, c'est mal installé. Là d'où je viens... Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. Et le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète. Mais je ne savais pas m'en réjouir. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Il arrosa une dernière fois la fleur, se prépara à la mettre à l'abri sous son globe et se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Adieu. J'ai été sotte, je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Je t'aime. Oui, je t'aime. Mais oui, tu n'en as rien su par ma faute. Ça n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent... Oh, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me ferait du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes... Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Le petit prince commença par visiter les planètes voisines pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. La seconde, par un vaniteux. La troisième, par un buveur. La quatrième, par un businessman. Le grand monsieur cramoisi de tout à l'heure. Après chaque visite, le petit prince se disait en lui-même que les grandes personnes étaient décidément très, très bizarres. La cinquième planète était fort curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus. Ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Eh, bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais là un métier terrible. Autrefois, c'était raisonnable. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer, le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ? La consigne n'a pas changé, c'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors ? Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Alors, les jours chez toi durent une minute ? Non, ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois ? Oui, 30 minutes, 30 jours. Et bonsoir. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Ah, je veux toujours. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Bonjour. C'est le seul dont j'ai pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1440 couchers de soleil par 24 heures. La sixième planète était habitée par un géographe qui conseilla au petit prince d'aller visiter la planète Terre. Elle a bonne réputation, lui dit-il. La septième planète fut donc la Terre. Le petit prince fut bien surpris de n'y voir personne. Il avait peur de s'être trompé de planète. Quand un anneau couleur de lune remua dans le sable, un serpent. À tout hasard, le petit prince lui souhaita... Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombé ? La Terre, en Afrique. Ah ? Il n'y a donc personne sur la Terre ? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Elle est belle. Que viens-tu faire ici ? J'ai des difficultés avec une fleur. Où sont les hommes ? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes. Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Oui. Tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigmes ? Je les résous toutes. Le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes, et les hommes ont des jardins fleuris de roses... Et les roses accueillirent le petit prince. Bonjour. Qui êtes-vous ? Nous sommes les roses. Hein ? Et combien êtes-vous ici ? 4000, 5000. Et moi qui me croyais riche d'une fleur unique. Je ne possède qu'une rose ordinaire. Il y en a 5000 comme elle, toutes semblables dans un seul jardin. Je ne suis pas un bien grand prince. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu ? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Oh, pardon ? Qu'est-ce que signifie apprivoisé ?

Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Bien sûr. Le désert est beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits. Quelque part. Le petit prince s'endormait. Je le pris dans mes bras. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Et marchant ainsi, je découvris le puits, au lever du jour. Et je croyais rêver, car c'était un puits de village. Il n'y avait là aucun village. Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. Tu tiendras ta promesse. Quelle promesse ? Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de ma rose. Je te la dessinerai. Tout de suite, s'il te plaît. Tout de suite? Tu sais, ma chute sur la terre, ça sera demain l'anniversaire. J'étais tombée tout près d'ici. Alors, ce n'est pas par hasard que, le matin où je t'ai connue il y a 8 jours... Tu te promenais comme ça, tout seul, à 1000 miles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute? À cause peut-être de l'anniversaire? Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir! Je repartis en me souvenant du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Le lendemain soir, lorsque je revins de mon travail, j'aperçus de loin mon petit prince assis à côté du puits sur une ruine de vieux murs de pierre. À qui parlait-il? Tu ne t'en souviens donc pas? Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Maintenant, va-t'en. Va-t'en, je veux redescendre. Alors j'abaissai les yeux vers le pied du mur. Et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Au bruit que je fis, il disparut. Mon petit bonhomme de prince était pâle comme la neige. Son cœur battait comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles? Oui. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau. Ah, petit bonhomme. Petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire? Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Mais comment? Quand tu regarderas le ciel, oui, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, oui, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Et tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois la fenêtre. Comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Je te dis ça. C'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait, décidé, d'un pas rapide. Tu es là ? Tu as tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. Tu comprends ? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible. Elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Voilà. C'est tout. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Ça fait 6 ans. Déjà. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par cet endroit où je tombais en panne, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Bonjour, je m'appelle Monsieur Benton. Je suis le père de Jerica, que tu connais mieux sous le nom de Jem. À l'heure où tu m'écoutes, je ne suis plus de ce monde. Je sais, tu te demandes comment cela est possible. Alors, écoute bien cette histoire. J'ai laissé en héritage à Jerica 2 choses, qui sont toute l'œuvre de ma vie. D'abord la Starlight Music, une maison de disques que j'ai créée et dirigée durant de longues années. Mais c'est Eric Raymond, mon associé, en qui j'avais toute confiance, qui en a naturellement gardé la direction. J'ai laissé aussi une vieille maison dans laquelle j'avais installé un foyer pour jeunes filles sans abri. Connaissant le courage et la générosité de Jerica, je lui en ai confié la charge. Je savais qu'elle continuerait après moi l'œuvre de bienfaisance qui me tenait tant à cœur. Il était convenu que, comme par le passé, l'entretien du foyer serait assuré par les bénéfices de la Starlight Music. La vieille maison était en bien triste état. Tout s'écroulait. Jerica et son ami Rio essayaient bien de la réparer, mais malgré tous leurs efforts, elle tombait en ruine. Alors Jerica décida d'aller demander à Eric Raymond l'argent nécessaire à sa restauration. Mais à sa grande surprise, il refusa catégoriquement de lui verser le moindre sou. Il lui annonça qu'il avait d'ailleurs un grand projet pour la Starlight Music et qu'il n'était plus question de subventionner une œuvre de charité. Il avait décidé d'organiser un grand concert pour lancer son nouveau groupe de rock, les Misfits. Il était très sûr du succès de ces redoutables Misfits. Elle lui apporterait la richesse et la gloire. Ma douce Jerica était désespérée. Elle repartit vers la vieille maison, de grosses larmes roulaient sur ses joues. Ma seconde fille Kimber l'attendait avec ses amis Aja et Shana. Jerica leur a tout raconté. Allez Kimber, c'est le moment de donner à Jerica la petite boîte qu'un inconnu a mystérieusement déposé pour elle. Jerica ouvre la boîte et elle ne sait plus si elle doit rire ou pleurer quand elle découvre dans un joli papier de soie une paire de ravissantes boucles d'oreilles en rubis. Oh, comme elles sont belles! Jerica les essaie aussitôt et court s'admirer devant le miroir. Ravie, elle se met à les caresser. Tout à coup, les fenêtres claquent et un grand vent s'engouffre dans la maison. Une tornade de lumière éclatante et colorée éblouit Jerica et ses amis. Stupéfaites, les jeunes filles voient apparaître une image dans un halo de vapeur bleutée. Une femme, mystérieuse et très belle, se matérialise devant leurs yeux. D'une voix irréelle, elle dit « Je suis Synergie ». Maintenant, écoute-moi bien. Je vais te révéler un secret que seuls Jerica, Kimber et leurs amis connaissent. Je compte bien sûr sur ta discrétion. Alors voilà. Quand j'étais encore de ce monde, je faisais des recherches dans un laboratoire secret. J'ai mis au point une invention extraordinaire, un ordinateur holographique, qui a la capacité de matérialiser une image en trois dimensions. C'est aussi grâce à cet ordinateur que je peux te faire entendre ma voix aujourd'hui. J'ai eu l'idée d'un programme qui me permettrait de venir en aide à mes enfants quand je ne serai plus là. C'est ainsi que j'ai créé Synergie. Je l'ai doté de ce fabuleux pouvoir de matérialisation. Désormais, il suffit à Jerica de toucher ses boucles d'oreilles pour que Synergie lui transmette son merveilleux pouvoir et qu'elle se transforme en Gem. Pour lutter contre les diaboliques Misfits, elle crée son propre groupe de rock. Kimber, Aja et Shana deviennent les hologrammes. Vite, Jem! Le concert est déjà commencé. Je vois une foule immense qui se presse autour d'un grand podium. Les Misfits sont sur scène. Est excellent. Pizzaz, la chanteuse, lève déjà les bras en signe de triomphe. Jem, dépêche-toi! Ah, la voilà! Elle est magnifique dans sa tenue toute scintillante d'étoiles. Elle commence à chanter alors qu'elle n'est pas encore montée sur scène. Les projecteurs sont braqués sur elle. Jem, La foule est en délire. Les organisateurs sont complètement médusés. Rio, au milieu du public, enthousiasmé, ne comprend pas. Qui est cette fille à la longue chevelure rose? Elle est si belle et envoûtante. Pourquoi lui rappelle-t-elle vaguement sa douce Jerica? Éric Raymond écume de rage. Il monte sur scène et arrête le concert, sous les huées de la foule. Jem s'est éclipsée en coulisses. Elle caresse ses boucles d'oreilles magiques. Elle est à nouveau Jerica. Elle revient sur scène et affronte Éric Raymond. Qu'est-ce que vous dites de mon nouveau groupe de rock? Comprenant qu'elle a tout manigancé pour contrecarrer ses projets, il lui lance un défi. Il organisera un concours entre les hologrammes et les misfits, et le public décidera des vainqueurs. Si Jem et les hologrammes l'emportent, il laissera à Jerica la direction de la maison de disques. Mais si c'est les misfits qui gagnent, il restera pour toujours le seul maître de la Starlight Music. Le public applaudit à tout rompre. Cela promet un concert inoubliable. Mais que se passe-t-il? Je vois un grand remous dans la foule. Un inconnu fait passer un papier au présentateur. On demande le silence. Écoute. Incroyable! Un mystérieux producteur propose un enjeu supplémentaire au concours. Il offre aux gagnants une magnifique maison entourée d'un grand parc. Le rêve pour Jerica et ses amis. Il faut absolument qu'elle gagne. Moi, j'ai confiance. La musique de Jem et des hologrammes est géniale. Elles mettront tout leur cœur à vaincre les dangereuses misfits. Mais je sais aussi que l'amour de Rio et la force magique de Synergie seront pour Jem des atouts précieux. Je te quitte maintenant. Je te laisse imaginer. Je te laisse rêver des aventures de Jem. Chers petits amis, je vais vous lire l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Savez-vous où se trouve le pays des merveilles? C'est le pays que vous visitiez dans vos rêves. L'endroit étrange et merveilleux où rien n'est comme ailleurs. C'est au pays des merveilles qu'Alice rencontra le lapin blanc. Il traversait la prairie en courant, regardant sa montre de gousset et se parlant à lui-même. « je suis en retard pour un rendez-vous très important. Oh là là là là là là là là, il faut que je me dépêche, je n'ai même pas le temps de vous saluer, au revoir. Je suis en retard, je suis en retard, oh, je suis en retard. » Il sauta d'un bond par-dessus le ruisseau et s'engouffra dans un arbre creux. « Alors !» se dit Alice. « Un lapin qui porte un gilet, une montre et qui parle ? Pour se dépêcher ainsi, il doit sûrement aller à une réception. J'aimerais bien y aller aussi. » Et Alice s'élança à sa poursuite. « Quel drôle d'endroit pour donner une soirée » pensa-t-elle en s'engageant dans l'arbre creux. Mais elle n'eut pas le temps d'ajouter autre chose. Glissant à l'intérieur, sur des dalles lisses et blanches, elle fut précipitée dans le vide. « De plus en plus curieux !» se dit Alice, tombant doucement, croisant dans sa chute des objets qui flottaient en l'air. Des lampes, des buffets, un fauteuil à bascule, des pendules, des miroirs. Au moment où elle atteignit le sol, atterrissant avec un bruit sourd, le lapin blanc disparaissait par une porte minuscule. trop étroite pour qu'Alice pût le suivre. Pauvre Alice, elle était seule au pays des merveilles, là où rien n'est comme ailleurs. Vous savez, exactement comme cela se passe dans les rêves. Il lui suffisait de manger un morceau de gâteau ou de boire une gorgée pour grandir au point de dépasser la cime des arbres ou encore pour devenir si minuscule qu'elle eut parfois peur de disparaître complètement. Elle rencontra d'autres animaux. Oui, mais d'étranges animaux qui parlaient. Eux aussi. Ils essayèrent bien de lui rendre service, mais ne purent l'aider à retrouver le lapin blanc. Cependant, il faut que je le retrouve, se dit Alice, bien qu'elle ne sût au juste pourquoi. Elle partit au hasard, errant toute seule dans le pays des merveilles. Enfin, dans les bois, elle arriva devant une petite maison pimpante, avec des volets roses. La porte s'ouvrit, et devinez qui sortit ? C'était le lapin blanc. « Oh, mon Dieu ! Cela me hérisse les moustaches !» se disait-il. Il semblait très préoccupé. Levant alors les yeux, il vit Alice qui se tenait là, immobile. « Marie-Anne » dit-il sèchement. « Enfin ! Marie-Anne ! Mais que faites-vous là ? Eh bien, tant pis, restez là sans rien faire. Mais non, allez plutôt chercher mes gants, je suis très en retard. » Mais en retard pourquoi ? Demanda Alice. Je venais justement. Mes gants ! Coupa le lapin blanc avec fermeté. Et Alice, obéissante, alla les chercher, tout en sachant très bien qu'elle n'était pas Marie-Anne. Lorsqu'elle revint, le lapin blanc disparaissait à nouveau dans la forêt. Alice repartit donc, essayant de le suivre, dans cet étrange et confus pays des merveilles. Elle fit la connaissance de Dick et d'Homme, des jumeaux très drôles. Elle prit le thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. Elle rencontra un chat de Chester, qui disparaissait et réapparaissait instantanément. Mais une étrange créature, Jabberwock, dont les yeux brillaient comme des flammes dans la nuit. Ils étaient tous très aimables, mais ne purent indiquer à Alice la bonne direction. « Mais il y a un petit raccourci !» lui dit le chat de Chester. Aussi Alice prit-elle ce chemin. Le petit raccourci la conduisit dans un jardin, où des jardiniers s'occupaient à peindre en rouge les fleurs d'un rosier blanc. « Nous devons faire vite, » dirent-ils, « car la reine doit bientôt passer ici. » Effectivement, une trompette sonna. Et un héros annonça « Sa Majesté la Reine de Cœur !» Alice vit s'avancer un long cortège, en tête duquel marchait la reine, à l'allure revêche. Et qui était le héros ? Mais le lapin blanc, bien sûr, magnifiquement vêtu de sa livrée de cour. Mais voilà, se dit Alice, je comprends enfin la raison de sa hâte. Qui êtes-vous ? Demanda sèchement la reine. « Savez-vous jouer au croquet ?»« Je m'appelle Alice. Je vous remercie pour votre invitation, mais je dois retourner chez moi. Oh, vraiment, je ne puis rester. »« Ah, c'est ainsi !» hurla la reine. « Eh bien, puisqu'elle ne veut pas jouer, qu'on lui tranche la tête !» Mais Alice en avait assez du pays de merveille et de ses pratiques absurdes. Fit-elle. Vous ne me faites pas peur. Vous n'êtes rien d'autre qu'un jeu de cartes. Et sur ces mots, elle courut à travers ce pays imaginaire jusqu'au bord de la rivière où elle s'était assoupie. dit-elle en se frottant les yeux. « Je suis bien contente d'être revenue là, où les choses ont l'air de ce qu'elles sont. Pour le moment, c'en est assez avec le pays des merveilles. » S'achève l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et nous allons maintenant écouter des chansons du film de Walt Disney. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, je n'ai pas le temps de dire au revoir. La veille de Noël, quand le papa a sorti du garage l'arbre de Noël pour le décorer, il manquait une branche au sapin. Mais qui est-ce qui l'a prise ? C'est la souris qui l'a prise pour faire un arbre de Noël à ses petits. La nuit de Noël, quand le Père Noël est sorti de la cheminée, il manquait une poche au manteau du Père Noël. Mais qui est-ce qui l'a prise ? C'est la souris qui l'a prise pour faire un bonhomme Noël à ses petits. Le matin de Noël, quand la petite fille a trouvé sous le sapin son paquet cadeau, dedans, il y avait une poupée qui pleure tout le temps et qui crie « Maman, maman !» Mais il manquait un bras à la poupée. Mais qui est-ce qui l'a pris ? C'est la souris qui l'a pris pour faire un joli cadeau de Noël à ses petits. Et le jour de Noël, quand la maman a sorti du frigo la bûche de Noël, il manquait une tranche au gâteau. Mais qui est-ce qui l'a prise ? C'est la souris qui l'a prise pour faire un joli gâteau de Noël à ses petits. Le lendemain, jour de Noël des souris, quand maman souris a sorti la branche du sapin, il manquait quelques aiguilles. Il manquait quelques fils à la poche du Père Noël. Il manquait deux doigts au bras de la poupée qui pleure tout le temps et qui crie « Maman, maman !» Il manquait quelques miettes au gâteau. Ben, qui est-ce qui les a pris ? C'est la fourmi qui les a pris pour fêter un joyeux Noël à ses petits. Où vas-tu, Brébelle ? Capitaine Brébelle, avec ton bateau en papier ? Je vais en Afrique rencontrer un roi. Un roi noir ? Non, un roi jaune avec une grande crinière blonde. Oh, tu veux parler du roi des animaux, alors ? Oui, excuse-moi, je suis pressée. Et bon voyage, capitaine ! Le lion fait sa ronde, tout de poil au bout de la queue, dans les buissons épineux. Quand le roi rugit, la chouette tremble. Quand le roi rugit, la nuit frémit. Tout de poil au bout de la queue, le lion fait sa ronde, tout de poil au bout de la queue, dans les buissons épineux. Quand le roi s'endort, la jungle danse. Quand la jungle danse, le roi se meurt. Tout de poil au bout de la queue, le lion fait sa ronde. Tout de poil au bout de la queue, dans les buissons épineux. Il s'étire et baille comme un gros chat. Il a l'air assez gentil, hein? Oui, mais quand il se dresse sur ses pattes en rugissant, oh, il a l'air féroce et j'en ai peur. Si tu as peur de ton lion de peluche, Brimbelle, moi, je te conseille de l'enfermer dans une cage. Mais une cage à lion? Tu sais bien, souris verte, que je n'en ai pas. 10 boutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 7 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et 1 souris. Une souris verte.